Aussi, c'est donc sans surprise qu'on voit que parmi les sociétés qui sont engagées dans la géo-ingénierie, c'est les mêmes gros cartels chimiques, énergétiques et financiers qui sont responsables de l'état de la planète et qui ont pollué la planète jusque-là. Et depuis Kyoto, tous les ans, ils sponsorisent une réunion, une messe comme on va avoir. Et en fait, c'est ce qu'on nomme le Carbon Club, c'est-à-dire tous ceux qui veulent absolument pas que ça s'arrête et qui veulent juste spéculer dessus, comme je disais tout à l'heure. Donc là, le COP 21, je crois que ça va être la 26e année où on espère arriver à un accord. Donc voilà. Ce qui est aussi très cocasse, c'est le cinquième rapport du GIEC qui nie encore les épandages, mais qui avertit les décideurs que malgré les effets secondaires, je cite, hein, malgré les effets secondaires mondiaux et les conséquences à long terme, les techniques de la géo-ingénierie comprenant la gestion des radiations solaires devraient être maintenues. Si la gestion du rayonnement solaire, des radiations solaires s'arrêtait pour une raison quelconque, il est probable que les températures à la surface du globe s'élèveraient très rapidement pour atteindre des valeurs entraînant le renforcement des gaz à effet de serre. Mais pour arrêter quelque chose, en général, il faut avoir commencé. Donc voilà, c'est et en plus c'est exactement ce qui est marqué, ce que je disais tout à l'heure, qui est marqué dans la patente Welbach, c'est-à-dire qu'ils savent que s'ils commencent à épandre, il faut continuer à épandre à perpétuité. Donc plus ça va aller mal si on les arrête pas tout de suite, avec les conséquences que ça a sur nous et sur l'environnement. Donc les deux savants qui sont les plus qui sont complètement hystériques et qui voient que par les épandages. Ce sont deux mecs qui s'appellent Ken Caldera et David Keefe. Je vous invite quand même à aller voir la tête de David Keefe. Je ne sais pas si on la voit là ou si on va la voir. Oui, je crois qu'on va la voir. La tête de David Keefe et d'aller voir ses vidéos parce que c'est impressionnant. Le mec est complètement possédé. Et son truc, c'est vraiment les épandages à tout va. Évidemment, il est financé par les milliardaires du habituel, dont le bienfaiteur de l'humanité, Bill Gates, l'obsédé de la vaccination de masse, qui a déjà plombé 7 millions d'Africains avec le vaccin anti-polio. Entre parenthèses, pour ceux qui ne sont pas au courant, les enfants ne meurent plus de la polio, ils meurent du virus vaccinal. Donc voilà, et maintenant, pour sauver la planète, en fait, il veut envoyer des particules toxiques. Donc il a fait un énorme ballon qui est à 25 000 mètres, je ne sais pas quoi, et qui épand du dioxyde d'aluminium, etc. Donc faut dire que pour lui, sauver la planète, ça veut dire éradiquer les deux tiers de ses habitants, et qu'il l'a dit bien clairement face caméra. Je pense que vous allez. J'ai voulu vous montrer la toute petite vidéo pour les gens qui ne le croient pas, parce que c'est quand même intéressant. CO2 is warming the planet. And the equation on CO2 is actually a very straightforward one. If you sum up the CO2 that gets emitted, that leads to a temperature increase. And that temperature increase leads to some very negative effects. The effects on the weather, perhaps worse, the indirect effects in that the natural ecosystems can't adjust to these rapid changes, and so you get ecosystem collapses. Now, we put out a lot of carbon dioxide every year, over 26 billion tons. For each American, it's about 20 tons. For people in poor countries, it's less than one ton. It's an average of about 5 tons for everyone on the planet. And somehow we have to make changes that will bring that down to zero. This equation has four factors, a little bit of multiplication. So you've got a thing on the left, CO2, that you want to get to zero. And that's going to be based on the number of people, the services each person's using on average, the energy on average for each service, and the CO2 being put out per unit of energy. So let's look at each one of these and see how we can get this down to zero. Probably one of these numbers is going to have to get pretty near to zero. That's back from high school algebra. But let's take a look. First, we've got population. Now, the world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. But there we see an increase of about 1.3. Oui, parce que quand il dit un de ces chiffres va devoir être proche de zéro, tout le monde comprend de qui il parle, c'est-à-dire de nous. Si on fait un bon boulot sur les nouveaux vaccins, services de santé, la santé reproductive, on pourrait réduire de 10 à 15% la population. C'est regrettable que vous n'ayez pas le son, mais je donnerai le lien à qui le veut, parce qu'il faut quand même savoir que ce monsieur le dit. Il est dans un colloque avec des gens qui sont apparemment... ses potes, quoi, qui a sa cause. C'est pour ça qu'ils rigolent tous quand il dit « One of these numbers should be close to zero », un de ces chiffres devra devenir proche de zéro. Ils se marrent tous. Parce qu'effectivement, ils savent bien que c'est pas ni le CO2 ni les services qui vont être proches de zéro, donc il reste plus que nous, en fait. Oui, ils font tous partie du club des billionnaires, ouais. Et dans, selon le journal The Guardian, ce petit groupe de scientifiques dont si on peut appeler Bill Gates un scientifique, qui sont soutenus justement par les gens du club des billionnaires, il y a Bill Gates, il y a Richard Branson qui a la fondation Carbon War Room, il y a Murray Edwards qui est le magnat des pétroles, des sables bitumineux au Canada, Nicolas Enstrom qui est le cofondateur de Skype, qui travaille sur des technologies à haut et haut risque pour la planète, et ils manœuvrent, tous ces gens qui travaillent sur ces technologies manœuvrent les politiques pour les pousser à passer les lois qu'ils veulent et les règlements internationaux qui les arrangent. C'est eux qui couvrent les enquêtes et qui influencent les gens du GIEC, justement. Et de l'IPCC... ils sont tous membres du même club, en fait. Donc ils épandent de l'aluminium qui favorise la mort cellulaire, Alzheimer, Parkinson, ça on le sait depuis longtemps. Nous avons un monsieur spécialiste de la question. Du strontium, du barium, qui donne des difficultés respiratoires, cardiovasculaires, et surtout qui provoque la division du cerveau en bloquant l'interaction entre les acides animés, ce qui empêche une perception cohérente. On comprend pourquoi il y a tellement de gens qui passent au-dessus de ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que les composants du barium détruisent la couche d'ozone, quand la raison officielle des épandages, quand ils commencent à l'admettre, c'est justement de restaurer la couche d'ozone. Apparemment, les chemtrails servent plus au contrôle du climat à des fins militaires qu'à sauvegarder la planète et ses habitants. Il y a une dame extraordinaire qui s'appelle Rosalie Bartel, dont je vais vous parler tout à l'heure. Juste une petite parenthèse, il y a un monsieur qui s'appelle Patrick Pazin qui a fait un film que vous devez connaître qui s'appelle Bye Bye Blue Sky, et dans lequel il explique qu'il est allé interviewer des gens en France aussi, parce qu'il avait vu sur le site de l'armée française qu'il y avait une commande de je ne sais pas combien de tonnes de barium. En fait, personne n'a voulu lui répondre, mais le truc a disparu du site de l'armée. C'est marrant aussi. Il y a aussi dans le dibromure d'éthylène dont je parlais tout à l'heure, qui est l'adjuvant des carburants. C'est ce qui fait qu'on a souvent la gorge irritée, du mal aux yeux, des toux qui persistent avec des symptômes comme de la grippe, mais qui ne sont pas vraiment la grippe, des fatigues inexpliquées, et tout ça souvent après les épandages. En fait, c'est ce que beaucoup de médecins appellent allergie. Le docteur Horowitz, lui, dit « si vous avez le nez qui coule, la gorge qui gratte, etc., vous inquiétez pas, c'est pas la grippe, c'est une conspiration. » Je pense qu'il a raison. Non, il y a aussi des métaux lourds, évidemment. Alors, les métaux lourds, il y a un truc qui est très intéressant, c'est que les métaux lourds agissent sur le cerveau et l'ADN, qui sont les deux choses qui nous permettent de percevoir les informations. Et les chemtrails agissent aussi, paraît-il, sur la glande pinéale, que Descartes appelait l'âme humaine. Enfin, Descartes disait que la glande pinéale contenait l'âme humaine. Et qu'on considère un peu, enfin, il y a plein de savants, surtout en Amérique du Sud, qui ont travaillé dessus, et qui considèrent que, en fait, c'est la glande pinéale est un peu notre antenne, et ce qui fait que que les humains ont un peu perdu la connexion avec le divin et avec, et ils sont plutôt régis par leur subconscient, et donc par la matrice, en fait. Après, parmi les maladies que font développer les chemtrails, il y a la fameuse maladie des morgelons. Est-ce qu'on a l'image? Parce qu'elle est magnifique pour plomber aussi. Ah, oula, ah, c'est juste avant. Est-ce que vous l'avez vu? Ah oui, voilà. Ça, c'est les fils. C'est-à-dire, les morgelons, ce sont des gens qui ont des nécroses comme ça à l'intérieur sur le corps, par lequel s'échappent des fils de polymère. On a aussi trouvé une ressemblance avec la texture de la cellulose, mais par contre, il y a des experts, dont le docteur Hildegard Steininger, qui ont fait des recherches, et en fait, ils ont comparé ces fibres aux bases de données du FBI, qui a 900 fibres. Dans sa base de données, il n'y en a aucune qui correspond à ces fibres-là. C'est-à-dire que ces gens-là ont des fibres comme ça qui poussent et qui sortent, de ces nécroses. Et pour le docteur Hildegard Steininger, qui est un des plus grands experts dans la matière, c'est pas très réconfortant, mais elle dit qu'on est tous infectés par ce genre de choses. Parce que ça vient de l'exposition aux nanoparticules qui sont aussi balancées dans les chemtrails, et qu'en fait, les gens qui ont ces nécroses, c'est parce que leur corps les rejette. Ceux qui n'ont pas de nécroses, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas infecté, ça veut juste dire que notre corps se débrouille pour vivre avec. Donc elle dit, ce ne sont pas juste des particules de polymère, ce sont des agents plastiques, ce sont des agents de guerre biologique et des virus mis par la main de l'homme, remplis de nanosphères de plastique et de nanotubes de carbone. Il faut savoir aussi que les nanoparticules, il y en a dans la nourriture. Maintenant, 40% de l'industrie alimentaire contient des nanoparticules. Et aussi dans l'eau, dans les cosmétiques, dans plein de trucs. Elle démontre aussi que ces nanoparticules s'auto-assemblent et s'auto-dupliquent à l'intérieur de notre corps. Elle résiste évidemment à tout, elle a tout fait, elle les a brûlées à 1400 degrés, les a passées à l'eau de Javel, en fait, elles ne sont pas destructibles. Il y a aussi des gens qui ont des trucs très bizarres, qui sont des fibres rouges et bleues, et en fait, quand ils les ont analysées, ça c'est anecdotique, je ne sais pas ce qu'on peut en tirer, mais c'est la même texture, la même, comment on dit, composante, que les fibres rouges et bleues qu'il y a dans les billets de 20 dollars. La seule chose qu'on peut se dire, c'est que ces fibres-là, dans les billets de 20 dollars, sont sûrement pour la sécurité du papier. Donc, voilà. Certaines de ces fibres aussi transportent de l'ADN et de l'ARN génétiquement modifiés. Et elles se développeraient grâce à l'énergie bioélectrique de notre corps. On sait qu'il y a des bébés, enfin elle a démontré qu'il y avait des bébés qui étaient en train de naître avec ces nanomachines en eux. Ça veut donc dire que ces nanoparticules passent la barrière protectrice de l'organisme. Alors ce qui est marrant comme d'habitude, c'est que l'AFSET, l'Agence de sécurité sanitaire et de l'environnement, écrit « Elles circulent dans tout l'organisme, la peau, les tissus, le sang, les alvéoles pulmonaires, la barrière hémato-encéphalique qui protège le cerveau ou le placenta, et peuvent s'accumuler dans plusieurs organismes essentiellement à partir d'expositions respiratoires et digestives. » Alors moi, j'ai juste envie de demander à l'AFSEP à quoi ils servent, quoi, parce que si on demande l'autorisation de fabriquer une pommade avec des plantes et des huiles essentielles, il y a je ne sais pas combien d'organismes qui doivent regarder si vraiment c'est au point sanitairement, etc. Mais par contre, des nanoparticules qui se baladent dans notre sang, sur notre cerveau et tout, c'est pas grave. Les biopsies des morgelons et les résidus de chemtrails ont aussi prouvé qu'ils contiennent tous les deux une bactérie qui s'appelle l'agrobactérium. C'est une bactérie des sols qui est très courante. sauf qu'elle n'a qu'une fonction, elle est mutagène. Et en fait, elle est capable de transformer génétiquement les plantes et aussi des cellules eucaryotes. Et en fait, c'est ce qui sert à fabriquer tous les OGM. Donc la question, c'est est-ce qu'on a, puisqu'on en a trouvé dans les résidus de chemtrail et qu'on en trouve dans les biopsies des gens qui ont des margelons, est-ce que l'agrobactérium est tanneux parce qu'ils ont mangé des OGM? Est-ce que c'est parce qu'on nous balance l'agrobactérium par les épandages? Et aussi, si on met ça en perspective avec les vaccins dans lesquels on récupère des ADN étrangers, est-ce que c'est vraiment bien d'avoir une bactérie en nous qui code et qui fait muter les ADN? Je vous livre tout comme je l'ai trouvé. Enfin, ça fait quand même assez peur parce que si on ne peut plus manger sainement, si on ne peut plus penser clairement, si notre ADN mute, on est mal. Au passage, il y a des trucs aussi avec la géo-ingénierie qui sont terribles, c'est-à-dire que les UVB, on en reparlera tout à l'heure avec ARP, mais en fait, les UVB, s'ils détruisent l'ionosphère, les UVB passent, et si les UVB passent, ça réchauffe le fond des océans, enfin ça réchauffe les océans, et le fond des océans libère du méthane. Et le méthane, c'est vraiment plus sérieux que le CO2 parce que c'est un gaz à effet de serre qui est 23 fois plus puissant que le CO2 et il reste piégé dans l'atmosphère pendant 14 ans. Donc ça crée des phénomènes qui existent, qui après ont leur vie propre et qui sont à perpétuité sur la planète, quoi. Alors la grande question, c'est pourquoi ils manipulent le climat? Alors en fait, moi j'ai commencé cette enquête le jour où j'ai eu en main un brevet de Monsanto qui date de 2009, Monsanto a breveté en 2009 toute une série de plantes et de légumes qui étaient résistantes à l'aluminium. Donc je trouvais ça, enfin ça m'a interpellée parce que pourquoi résistant à l'aluminium? Pourquoi pas à l'eau de javel ou au bicarbonate de soude ou à autre chose, quoi, si ce n'est que sachant... Comme d'habitude, Monsanto, sachant qu'ils épandaient de l'aluminium, ils savaient que les trois quarts des plantes allaient crever, sauf celles qui étaient résistantes à l'aluminium. Comme ils ont fait, même chose qu'ils ont fait pour le Roundup Ready, qui tuait toutes les plantes, sauf celles qui contenaient le gène, qui contenait le pesticide. En fait, c'est un peu la même façon de procéder, quoi. Après, j'ai découvert que Monsanto a acheté en 2012, c'est-à-dire un mois avant, ils disaient qu'ils étaient en faillite, pratiquement. Il faut savoir que Monsanto, ils sont partis de l'agent orange, etc., du DDT. Quand on les a trop montrés du doigt, ils ont vendu leur département chimique à Pfizer et ils se sont refait une virginité en disant qu'ils allaient s'occuper de l'agriculture. Et en fait, à ce moment-là, ils nous ont balancé les OGM, le Roundup, enfin tous les pesticides qui ont complètement plombé la planète. Donc en fait, c'était pas étonnant qu'ils veuillent, soi-disant là, déposer le bilan pour passer à autre chose. Et surprise, en fait, le 10 octobre 2012, ils ont racheté la première société de climatologie américaine. Évidemment, c'était parce que les paysans qui sont complètement traumatisés par les changements climatiques savent plus quoi faire avec les cultures et Monsanto allait leur montrer comme ça ce qu'il fallait faire pour adapter les cultures au changement climatique. Sauf que c'est eux qui sont derrière les changements climatiques, quoi. Dans la foulée, j'ai aussi retrouvé une société de Rothschild qui a acheté eux. Eux ont acheté la première société mondiale de cartographie météo. C'est-à-dire, pourquoi, on se demande, hein. C'est-à-dire que, en fait, tout ce que vous recevez comme carte météo, tout ce qu'on reçoit comme carte météo sur les télévisions du monde entier, sur les téléphones portables, sur le web, toute cette cartographie appartient à une seule société qui maintenant est entre les mains de Rothschild. Ce qui veut dire que c'est vachement pratique parce que maintenant, quand ils vont nous dire, pendant des années, on a dit, ouais, mais la météo, ils disent n'importe quoi, ce qu'ils disent n'arrive jamais. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant, ce qu'ils disent, ça arrive. C'est-à-dire que maintenant, ils peuvent falsifier les cartes avant, ou ils savent ce qu'ils vont faire dans 15 jours. Donc, ils peuvent préparer la carte qui va avec, ce qui fait qu'ils contrôlent absolument tout du début à la fin, quoi. Comment ? LLC Rothschild, je sais pas quoi. Enfin, c'est tous les liens sont à la fin du bouquin. Donc, à chaque page d'ailleurs du bouquin. Donc, en fait, pour moi, ils ont un autre agenda, qui est évidemment le contrôle de la nourriture, la guerre économique, et aussi, est-ce que la troisième guerre mondiale ne serait pas météorologique ? Nous enlever l'indépendance alimentaire, ça a toujours été le vieux rêve de Monsanto, Syngenta, Bayer, tous les semenciers chimiques. Par contre, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire si le poison vient du ciel ? C'est-à-dire que même si on n'est pas d'accord, on va bien être obligé de manger des OGM à un moment donné. Ou en tout cas, les fameuses plantes résistantes à l'aluminium, dont ils se partagent le marché joyeusement. En fait, c'est un monde complètement transgénique et synthétique dans lequel ils veulent nous mettre. C'est-à-dire qu'ils ont déjà le monopole des semences, le monopole de la reproduction animale. Et maintenant, ils veulent nous empêcher de manger de la nourriture organique et de l'eau qui ne soit pas... parce qu'avec les chemtrails, l'eau va être polluée. Enfin, tout est pollué, si on regarde. Donc, ils veulent qu'on avale leurs aliments... empoisonné, évidemment, l'agrobactérium, et avoir le monopole sur notre nourriture, ça c'est clair. Ils vont aussi faire un énorme jackpot avec les semences, parce qu'ils ont breveté, je crois que les trois compagnies ont 90% des semences qui vont pousser s'ils arrivent à faire ce qu'ils veulent avec la pollution qu'ils sont en train d'installer. C'est Monsanto, DuPont et BASF, je crois. Donc le CO2, pour moi, est un leurre total. Je vous invite aussi à lire les écrits de Dominique Guillet, qui est le fondateur de Cocopelli, qui a écrit des articles absolument superbes sur le CO2 et aussi sur la façon dont ils ont détruit la Terre, dont l'érosion est en train de détruire complètement des pays entiers. Et lui a fait un texte qui s'appelle « Carbone, mon amour ». Et où il dit « Taxer le carbone, le cœur de la vie, c'est comme taxer la sexualité, le cœur de la reproduction et de la jouissance orgasmique. La mort, c'est la vie sans le carbone. » Il explique en fait comment la Terre a toujours eu un pouvoir de résilience justement grâce au carbone, ce qu'elle n'aura plus si continue à faire ce qu'ils font. Et en plus, ce qui est extrêmement dangereux, c'est que là, on arrive vraiment au fait que la production de la nourriture va être complètement dans les mains de gens qui veulent que ce soit génétiquement modifié et adapté aux conditions qu'ils vont créer. Mais nous, on n'aura plus aucune indépendance alimentaire. Si je peux, Claire, à ce niveau-là, juste dire que Cocopelli vend des graines et des semences interdites, non répertoriées. Enfin, c'est le moment d'acheter des graines. Parce que tous ceux qui en auront pourront perpétuer par la suite les graines et la vie. Donc ils sont à 90 000 euros d'amende de vendre des graines interdites. N'hésitez pas, sur le site, vous pouvez y aller, en acheter. Ils sont dans tous les salons aussi, dans tous les salons, dans tous les salons bio. Ils ont besoin de nous, et on a vraiment besoin d'eux. Après, est-ce qu'il y aurait des guerres climatiques ? Alors là, c'est encore Zbigniew, c'est la Bible. Hein. Zbigniew, on trouve tout, c'est comme un lex samaritaine, qui nous fournit le concept de guerre secrète. Parce qu'il explique qu'en fait, si les guerres sont secrètes, il explique qu'à partir du moment où il y a eu la télévision, ils sont obligés de dealer avec les émotions du public. Et que si les guerres étaient secrètes, on les embêterait pas, puisqu'on ne serait pas au courant. Donc il écrit vraiment dans le Between Two Ages en 70. Le climat va devenir l'arme absolue pour mener les guerres secrètes, économiques ou militaires, avec un minimum de gens au courant, pour faire plier l'ennemi potentiel et l'obliger à accepter les exigences de l'Amérique. D'ailleurs, à l'époque, en 99, il y a eu le Parlement européen, inquiété du fait que la recherche militaire se serve de manip à une population de l'environnement. Comme d'une arme, ils ont questionné les Américains Il y a un député anglais dont je ne me souviens plus le nom, mais qui lui a insisté lourdement pour que les Américains acceptent de répondre. En fait, ils n'ont pas répondu, mais lui, il est tombé pour usage de cannabis et de vidéos porno à l'aéroport de Londres. Il s'est fait arrêter bêtement. Donc, l'enquête s'est arrêtée là, quoi. Alors, les guerres économiques, en fait, c'est quoi? C'est que, par exemple, d'ailleurs, on trouve plein d'écrits hein, là-dessus. Par exemple, si les vignes, le vin de Bordeaux est en concurrence avec des vins de Californie et que ils veulent faire monter le prix en bourse, bah, il suffit de faire un orage de grêle bien centré sur les vignes en question et puis il n'y a plus de concurrence pour les vins californiens, quoi. Il y a aussi faire un orage ou des pluies diluviennes sur le fourrage, enfin sur les cultures qui vont servir de fourrage aux animaux, et dans ce cas-là, ben, il faut que, ou sur les arbres fruitiers, ou sur les cultures, sur les légumes, etc. Et à partir de ce moment-là, ben, on n'a plus rien, donc on est obligé d'importer, et ça permet aussi de spéculer en bourse. Il y a plusieurs pays qui ont déjà accusé les USA à l'ONU. Peut-être. Je sais pas, j'ai pas regardé sur les oliviers, mais C'est pas d'où peut-être. ça vient et on peut pas lutter contre. Ouais, mais peut-être, je sais pas. J'ai pas regardé pour les oliviers, Et mais éventuellement le c'est chêne. plausible. Éventuellement le chêne, les vignes, etc., etc. Il n'y a pas que les Ah vignes. oui, non, mais je dis, j'ai pris les vignes comme ça. Non, mais cette nouvelle maladie pourrait atteindre éventuellement les vignes, les chênes, les arbres, certains arbres. Oui, Nous, je sais pas. elle apparaît subitement. Ouais. oui, il y a plusieurs pays qui ont déjà accusé les États-Unis de leur voler la pluie, de provoquer des ouragans. Il y a des écrits qui restent, enfin des retranscriptions des sessions à l'ONU. Ça pose aussi une question, c'est que s'ils peuvent pousser les orages où ils veulent, il y a un moment donné où l'eau, qui est quand même le premier élément de notre survie, ira là où nos maîtres veulent qu'elle aille. Il y a pire aussi, comme l'indiquait Sbigniew, c'est se servir de la guerre climatique pour faire plier une nation. Alors là, par exemple, la tempête de 99 que tout le monde doit avoir en mémoire, en fait, quand on regarde chronologiquement, mais à l'époque, il y a des gens qui l'ont dit, il y a un monsieur qui s'appelle Mark Filterman, qui en a parlé, il y a aussi un journaliste de VSD qui avait fait un article à l'époque, c'est qu'en fait, les tempêtes de 99 auraient été provoquées parce que Jospin et Chirac à l'époque étaient militaient contre l'entrée des OGM en France et contre aussi le traité l'AMI, qui était l'ancêtre du traité TAFTA transatlantique. Et donc, en fait, ben, en faisant une petite tempête qui détruit la moitié du pays, il est évident qu'après. Les gens sont un peu plus dociles. Alors, les éléments qui prouvent un peu ça, c'est qu'en fait, on a dit que c'était un cyclone tropical. Sauf qu'un cyclone tropical, ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Celui-là est tourné à l'inverse des aiguilles d'une montre. Et aussi, un cyclone tropical, il faut qu'en passant sur la mer, la mer soit chaude, et donc il se réchauffe. Le 29 décembre, la mer devait pas être terriblement chaude. Il y a aussi Mark Filterman qui s'est amusé à faire tous les relevés de HAARP et de tous les systèmes de sécurité à travers le monde et qui s'aperçoit qu'en fait le 23, toutes les courbes existent, sauf le 23, il y a un trou sur toutes les courbes. Donc il paraît que ce serait pour sanctionner la France pour son attitude à ce moment-là. Et d'ailleurs, quand on regarde chronologiquement, en début d'année 2000, Jospin est venu à la télévision et il a dit que finalement, ça regardait pas les États, ce qui se passait dans les compagnies privées. Il a autorisé les OGM pour la recherche. Et aussi, il n'est pas revenu sur le traité de l'AMI, mais il a signé une clause qui disait que quand les pourparlers reprendraient, les pourparlers de l'AMI ou ce qui correspondait à la suite de ce traité, le gouvernement français n'y prendrait pas part et ce serait le commissaire européen qui déciderait. On comprend pourquoi maintenant, TAFTA, on est au courant de rien. Forcément, puisqu'on l'a signé. Hein. Alors là, j'ai eu un grand trou, Jean-Marie peut vous le dire, c'est le jour où je suis tombée là-dessus. Je me suis dit, mais moi qui ouvre grand ma bouche depuis je ne sais pas combien de temps en disant, il faut sortir de l'Europe, si on ne sort pas de la main de ces banquiers, on est mort, etc. Je me suis dit, est-ce qu'il vaut mieux rester dans l'Europe et supporter leur MERDE? Parce que si jamais on sort et qu'ils nous punissent et qu'ils nous fassent un petit ouragan ou un petit tsunami, c'est pas évident que ce soit mieux, quoi. Donc, les gouvernements, on voit aussi toutes les catastrophes qui se passent en ce moment. Quand je dis, est-ce que la Troisième Guerre mondiale serait une guerre météorologique? On voit tout ce qui se passe, toutes les catastrophes partout dans le monde. Le gouvernement trouve que tout est normal, hein. Ouais. On est beaucoup à trouver que c'est bizarre, quand même. Et en plus, c'est aussi exactement ce qui est décrit dans les capacités du système ARP dont on va parler. Et la liste des coïncidences est longue, hein, comme les tempêtes de 99. Il y a aussi, par exemple, la Chine, quand la Chine a refusé d'adhérer à la coalition que les Américains voulaient mettre en place contre la Corée, ils se sont pris un bon tremblement de terre à la suite. Il y a eu le tremblement de terre d'Haïti, où je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi ça m'avait choqué à l'époque, c'est qu'on voyait des milliers, on nous disait il y a des milliers, pour pas dire des millions de gens dans les rues, sans abri, sans nourriture. Et la seule chose qu'on voyait arriver, on nous disait les Américains ont déployé des secours sur place et on voyait que des porte-avions. Et je me disais que les gens qui n'avaient pas de toit et pas de nourriture, peut-être qu'on pourrait leur apporter autre chose que des porte-avions. En fait, Chavez a dit depuis que c'était pour contrôler Cuba et pour mettre un pied, pour s'approcher du Venezuela. Je pense qu'il n'avait pas tort. Il y a aussi un document de l'US Air Force qui date de 1996, qui s'appelle Air Force 2025 Final Report, qui dit « La modification des conditions météo offre aux combattants de guerre un large éventail d'options pour faire échec ou contraindre l'adversaire. » Les techniques pour déclencher des inondations, ouragans, tremblements, et va devenir un élément de sécurité intérieure et internationale, avoir implication offensive et défensive, et même être utilisé comme moyen de dissuasion. Là aussi, c'est assez clair, je trouve. Alors, l'autre gros morceau, c'est que la technologie qui rend tout ça possible, c'est ARP. L'arme absolue dont parlait Zbigniew, qui officiellement est un programme de recherche sur l'ionosphère et qui permet d'étudier les communications longue distance et de modifier l'ionosphère localement par des ondes de haute fréquence. C'est un système, je suppose que vous avez tous vu les images. Alors, il n'y a pas qu'un ARP, mais celui-là est le principal qui est à Gakona, en Alaska. C'est 180 antennes de 20 mètres de haut qui sont reliés à un émetteur d'une puissance de 20 millions de watts, qui brûle 95 tonnes de diesel par jour et rejette 7 tonnes de déchets. Mais à part ça, je ne voudrais pas revenir aux vaches et aux voitures diesel, mais bon. Ça a été conçu selon la technologie de Tesla, qui a été repris par Eastlink, et les brevets appartiennent toutes, je vous le fais court, mais il y a tous les détails dans le livre, qui appartiennent par des compagnies interposées au groupe Rockefeller, qui ont été vendues à un groupe qui s'appelle la Raytheon Corporation, qui possède aussi la patente Wellbash. C'est comme ça, la boucle est bouclée. Ces compagnies sont tellement proches de la CIA qu'on les dit presque indissociables. Et elles appartiennent toutes aux mêmes quatre actionnaires qui ont toutes les compagnies un peu bizarres aux États-Unis, qui sont BlackRock, Blackstone, Vanguard. C'est la même compagnie, entre parenthèses, Blackstone, c'est la même compagnie qui dirige Freescale, qui est la compagnie qui détient le brevet des... Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a un avion qui s'est perdu, là, il y a quelque temps. Dans cet avion, il y avait une vingtaine de savants. Vous êtes au courant ? Il y avait une vingtaine de savants, dont quatre qui avaient déposé un brevet sur la dernière puce... la dernière technologie en matière de puces, et le brevet a été déposé comme appartenant à ces quatre savants chinois et à Freescale. un cinquième chacun. L'astuce, c'est que le brevet mentionnait qu'en cas de disparition de l'une des personnes, les royalties ou le copyright n'allaient pas à leurs ayants droit, mais aux derniers survivants des gens à qui appartenait la patente. Comme là, les quatre sont morts dans l'avion, il reste plus que la compagnie Friskel, qui elle aussi appartient, qui est contrôlée par une banque, la même banque qui s'appelle BlackRock ou Blackstone, je ne sais plus l'un des deux.